Parce que je les ai réglés cash. Ouais. Arriva. Grosso minuto, si, yo soy la Sony, la plus rapide de Mexico. Oh, c'est ce cher là. C'est une souris ou c'est un oiseau? Ah, c'est Sylvain Carcalone. Mon colonel, je voulais pas. Je voulais pas faire la guerre, mon colonel. Je l'ai pas vu, Adrienne, dans la forêt. Hein? J'étais odieux, maintenant je suis aux cieux. Hein? Mesdames, messieurs, je vais vous jouer un coup d'accordéon. Il ne va pas nous jouer un coup d'accordéon, celui-là. C'est super. On va vous répéter. Répétez. Vous connaissez l'histoire de Geppetto? C'est une légende de Geppetto, italienne. Il la croit, hein? Un bout de bois qui parle. Et qui joue. Il avait pas le nez. Et son pif qui grandit quand il ment. Caïman, le nez sur, avec le rossignol sur son pif. Vas-y. Mon colonel, je n'ai pas vu Adrienne dans la forêt. J'en ai marre de sauter, j'arrive jamais à remonter, mon colonel. Le parachute, il remonte pas, mon colonel. Allô? Ça, c'est la première. Ah, et la troisième, elle n'est pas là, sinon c'est plaquage au sol et fermez vos volets et tout ça. Eh ouais. Bon. Enfin, je répète tout dans un instant. Ouais, là on est. Magali, elle écrit le. Le texte. Le texte, voilà, elle écrit un texte à elle, mais après, elle va faire le. Elle fait les programmes, là, parce qu'on est. Mais on est déjà sur Internet. Ouais. On est mis en ligne, mais les ordres de FM, c'est dans 30 minutes. Donc, je m'entraîne. Oui, tu t'entraînes, tu fais le prêt. Tu chauffes l'ambiance, quoi. Ouais, vas-y. Arriva. Yo suis la souris la plus rapide de Mexico. Ok, il attrape les souris. C'est pas une souris, c'est un kangourou. Oh là là, je crois que c'est un oiseau. Sylvester. Il s'appelle comme moi, Sylvester Stallone. Mon colonel, je n'ai pas vu Adrienne dans la forêt. Je vais tous essulfater, mon colonel. Vous faudrez que j'arrête un peu, mon colonel. Il n'y a plus personne dans la forêt, je suis tout seul. Mon colonel, je vais remonter avec vous, mon colonel. Je vous aime. C'est trop fort. C'est bien que tu changes le micro de positionnement parce que comme ça quand tu vas tu fais fort, tu mets le micro plus loin. Ouais. Je mets le micro quelque part. Mais pas devant ta bouche trop fort. Faut pas baver sur la glace, faut la sucer. Ouais, c'est Ocniso, complètement saut, mais pas sourd. Hein. Ouais. Je suis sur Internet là. Je suis sur Internet, ouais. Je suis sur Internet. Je suis interné. Je suis interné à l'hôpital. On est je suis retardé moi. J'ai la piqûre retard, en avance. Non, je n'ai pas la piqûre, je l'ai eu, mais ça fait mal les piqûres. De moustiques et surtout ils t'empalent là-bas. Ouf. Miaou. Miaou. Miaou. Miaou. Ouf. prenez un micro. Alors, le programme, c'est quoi le programme, Magali? Il y en a Moi, vous me faites écrire préparation salle café, aller chercher les intervenants, introduction, okay. Échauffement. D'accord. Siol, tu veux parler de quoi aujourd'hui? Il va présenter son nouveau nom. Pour l'instant, moi, je parle pas. On verra. Julien, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Julien, tu veux parler de quoi aujourd'hui? Tu vas faire de... Tu vas chanter. Oui, il va arriver, il chante. Oui, tu présentes ton nouveau projet. Deux, si tu veux. Hein, tu connectes ton téléphone, tu prépares tes musiques. C'est toi le DJ aujourd'hui. DJ, vas-y mon pote, l'hérésie, les récites. Colonel, il y a un chat dans l'espace. D'où je suis? Je vis dans 10 mètres carrés, mon colonel. Depuis des années, j'en ai marre. J'ai tout cramé, la forêt, mon colonel. Je l'ai pas retrouvé, Adrienne. C'est quoi ton numéro, Julien? Attends, je regarde, Julien. J'entends pas, Julien. Julien, c'est les 4, non, hein? 4. Attends, ça marche pas? Julien, vas-y. Oh, monsieur, mesdames, comment ça? Aden, on est tous. Voilà, on est tous. Ok, si je vous dis qu'il y a des choses pas trop. Ouais, des choses qu'on veut, mais on peut pas en bas. Ouais, ici, quand on est à terre, toujours la digasse. Ouais, Dodo. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui m'a donné. On a compris, monsieur, ouais, on va trop longtemps maintenant. C'est fermé. Oh, pardonnez-moi, le micro est encore ouvert, monsieur. Il en fait ouvert à 200. 200, on rentrera ici. On est au flic. On sait. Ok, qui sont les tuer. Les vampires. Oui, tu vois ça, ce couteau. Oui, tu fous. Il y a bon, même qu'il y a d'argent. Il y a un peu d'eau, c'est en vrai. Tu veux une cascade? T'es en vrai, monsieur. Oui, on y si vous voulez faire une cascade et... On y. dans le dernier métro, quand vous fermez les portes, il y a un petit rebord. Je voulais courir après sur le quai et je suis tombé sur les rames. Je me suis fait électrocuter. J'ai pris 400 volts, 500 volts et j'ai un trou dans le pied, dans les fesses. Et c'est ressorti par la jambe droite, l'électricité. Heureusement que ça n'a pas touché mon cœur. Sinon, ça, tout a été dans le cerveau. L'électricité, ça m'a fait comme un effet secondaire. Faut que je répète ça. Ouais. J'ai le nerf touché. Je fais de la... je sais plus. Neuropathique. Je fais de la neuropathique. C'est mon nerf qui est mal mis. Au pied gauche. Yeah. Faut que je répète. Où on est parti. D'accord. D'accord. D'accord. Ouais. Je pourrais raconter cette histoire ou j'en trouve une autre. Ouais. Bien sûr. Non. Ouais. Je vais pas vous raconter ma vie, mais quand je suis tombé dans le métro électrocuté, deux gars sont descendus du quai de l'autre côté, je suis remonté sur le quai, je suis parti. Je croyais que j'avais rien et après mon tendon de mon doigt était bien amoché et mon pied gauche aussi, le nerf était touché. Donc je fais de la neuropathie. C'est-à-dire, c'est un nerf qui est froissé. Et voilà. La cascade, ouais, je voulais faire une cascade. Je vous l'ai déjà dit, ça. Je voulais pas me suicider. Hein. Tout le monde a dit que je voulais me suicider. Non, heureusement que j'avais des semelles en cuir épaisse. Sinon, j'aurais été mort. Je serais mort. C'est parce que j'avais été à l'hôpital avant. Ils m'avaient donné des chaussures. Au lieu de prendre des chaussures hautes, j'ai pris des chaussures basses parce que j'ai l'autre pied qui est abîmé aussi. Donc voilà, je suis passé dans le métro, voilà. J'ai fait un saut même. J'ai atterri à quatre pattes, je me suis retrouvé sur le dos, dans les rails. J'ai fait un saut comme une frite. De la vie, moi, j'en ai tué plein des vies, mon colonel. J'en ai marre de tuer les gens, mon colonel. Oui, tu connais pas la vie. La vie est intéressante, la vie est douce. Renouveau la vie. Non, mon colonel, je sais pas. Jésus, la vie, c'est le meilleur. Quand tu visites cette terre, c'est l'essentiel. Faut remercier le bon Dieu. Ne t'en faites pas. Prends courage. Rien n'est tard dans la vie. Il y a d'autres qui gagnent l'argent en 40 ans. Il y a d'autres qui gagnent, qui meurent dans 40 ans. Tout ça, c'est pas si certain. Rien n'est tard dans la vie. Prenez courage, mes amis. Je salue tout le monde. Tous les gens de la France. Je salue tout le monde. C'est Suleiman Doumia. Je salue tout le monde. La vie est intéressante. On peut prendre la vie au sérieux. On peut prendre la vie avec bonne main. Avec courage. Que Dieu nous protège. Amen. Ça va dire ça, hôpital, très encore, s'il vous plaît, nous avons, on est bien, médicaments bien, et très bien, au Lacoste, en étagène. Parce qu'il faut border en étagène, Lacoste, ici, sur la réserve. Elle est en bas. Oh, je dirais une bonne chose, mon petit gars, je veux pas écouter, je veux entendre. Écouter, c'est coercitif. Ok, man. On va commencer, Magali va faire la présentation de l'émission. Après, il y a Omni qui va nous faire un échauffement de l'ambiance avec les sons. Après, il y a qui vous parle de la vie. Après, il y a Sion. Après, il y a Alain. Et après, Magali qui va transpirer et il va parler. Allô, allô, ça passe, ça repasse, ça dépasse, ça remplace. On n'entend rien. On entend rien. Oui, bienvenue. Vous venez ici à la place. Il va manger d'abord. D'accord, on est là. Hein. Pas de problème. Oui. Écoute, on est bien. On connaît le français. C'est pas de l'anglais, c'est n'importe quoi. Oui. Avec la musique. Attends, ils partent pas. Hein. Oh, oui. Ah ouais, bonjour madame. Sandra. Bah, venez à la radio. Ça va moyen aujourd'hui. Ça va moyen. Bon, ok. Je viens de sortir de la mort. Ah. Mais bon, vous êtes sorti. Je suis sorti. Oui. T'as les yeux bleus. Hein? T'as les yeux bleus. Oui, c'est les yeux. J'avais jamais remarqué. Excusez-moi, je rigole. Hein, mais... Les yeux bleus d'Isabelle sont bleus. Les bleus d'Isabelle sont bleus. Je viens juste. Attendez. C'est quoi le numéro, les 1, c'est ça? Numéro 11, 1. Ouais. Allez-y. Allô? Ouais. Je viens juste de sortir de chez moi. C'est l'ambulance qui m'a ramené ici. Parce qu'il y a une demi-heure, on a failli me jeter du deuxième étage. On a failli me jeter du deuxième étage. Qui? La personne avec qui je vis. Bon, mais il faut nous appeler avant. Hein. Pardon? Il faut que je vous appelle avant? Bah, il faut que vous veniez à la radio. Il faut nous appeler à l'ambulance et on vient vous chercher. J'ai eu très peur. Parce que je me suis dit où j'ai failli y passer. Ouais. J'ai failli y passer. Mais j'ai vu qu'au 4, il essayait de vous contacter. Attendez, je vais mettre mon micro. Mais j'ai vu qu'au 4, il essayait de vous contacter. Hein. Oui, parce qu'il ne voulait pas que je vienne faire une émission à la radio. Il s'est énervé. Et il a pété les plombs. Il a pété les plans. C'est la personne qui voulait pas que vous veniez à la radio, c'est ça? Voilà, il voulait pas. Je voulais sortir de la maison, il a fermé la porte à clé. Oui. Je voulais prendre l'air, il a refusé. Je suis sortie, j'ai ouvert la fenêtre. Heureusement, il y a les voisins qui l'ont vu. Ah oui. Les voisins l'ont vu et des fois, ça a appelé la police. Ouais. De loin, ils ont vu qu'il a été jeté. du deuxième. Il a essayé de me jeter du deuxième. Mais heureusement, je me suis agrippée et j'ai couru. J'ai vu la porte ouverte et je suis sortie. J'ai failli me faire jeter du 11e, je comprends ce que cette dame est Dieu. Merci pour le micro. Je dis merci quand même, je suis là, parce que heureusement, je tenais à venir. Quand les policiers sont venus, ils m'ont dit on va vous amener, on va vous mettre les menottes. Je dis mais pourquoi ? J'ai mon passe Navigo, j'ai un rendez-vous pour faire la radio aujourd'hui. Je vais venir, même s'il veut m'en empêcher, je vais venir. Je vais me présenter, puisque je viens juste d'arriver. C'est moi qui viens de donner la parole pour la dame qui reprenait ce que disait la dame. Voilà, et je voulais juste vous dire que je venais juste d'arriver. Bon, mais vous êtes là, heureusement, vous êtes posé. Mais ça me touche. J'ai pas compris pourquoi. Après, de même, ils ont laissé, ils m'ont dit de partir. Ils ont bloqué ma carte de validité et ma carte d'identité. Et je sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ils m'ont ramené au Jean Verdier et je me suis retrouvée là. J'ai dit non, je les ai expliqué que je dois venir à Metanoia. Et j'avais rendez-vous. Ils m'ont pas cru. Deuxième étage, c'est pas n'importe quoi. J'étais du deuxième étage, faut prendre ça en considération. C'est pas n'importe qui cette dame. Voilà. Bon, là vous êtes ici. Moi aussi très mal au cœur revenir du MD, mais je sais pas si vous connaissez du MD, mais voilà. Il voulait me jeter. Il s'est énervé. Il voulait me jeter du deuxième étage. Ah oui. Raphaël. Ouais, mais il va te venir chercher, sinon il est là. Comme tu veux, sinon tu lui dis qu'il est à la radio, il va te chercher. Bon, mais je suis content, Sandra, que vous êtes là. Attendez, on a besoin de plus de micro là. Ça va, Paul ? Tu t'installes ? M'installer. Je sais pas, ils n'ont pas ramené. Reste stable. Pour les policiers, il fallait que. Ils m'ont dit de sortir. Reste stable. Ça va. Détestable, restez respecté. Vous va gêner. En Bulgare, vous va gêner. Respecté, vous va gêner. En Bulgare, vous va gêner. Outragé, vous va gêner. La dame, elle est venue, là, elle s'est sauvée. Bon, Sandra, on est content que vous ayez survécu à toutes ces épreuves. Hein. Oui. C'est difficile. Hein. C'est difficile. On a le droit d'avoir mal au cœur. Enfin, on n'est pas bien. Ici, on a le droit de ne pas aller bien. Bon, ici, vous prenez soin de vous. Il paraît qu'il y a un lit pour vous, là, ici. Donc, restez ici au sauf, quoi. Pas des gens qui vous empêchent de vivre. J'ai eu très peur. Bah, j'imagine. Parce qu'on voit sa vie défiler à ses yeux, comme ça. On se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et on se dit... on dit qu'on va y passer. Ça fait peur. Magali, ça va bien. Radio Nova. Non, Média, comment on dit ? Tu vas parler de quoi, Yorni ? Je vais réfléchir. C'est quoi ? Tu improvises. Faut que ça arrive. D'accord. Et Magali, tu peux noter que c'est Paul. Je vais parler sur les ondes, ça ne durera sur les ondes. Tu vas parler sur les ondes. Vincent, sur les ondes. Ça va, moi, j'ai la prise B, Martin. Super. J'ai ramené mes 14 chansons dedans. Ah, il y a toutes les chansons dedans. Je fais une petite intro et en fait, on met deux, une dedans. Et je vais voir si on peut passer ça par là. Je ne sais pas comment on peut faire. Attends. Il me faut un câble. Inch'Allah. C'est la gentille. Inch'Allah. Tu prends le micro, moi, Florent. Je parle au micro. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, c'est Florent. Merci, Florent. La choukran à la wajib. Tout le plaisir est pour moi. Choukran. Choukran. Ça veut dire ça. Merci, voilà. À la wajib. Choukran à la wajib. Choukran à la wajib, c'est ce que le monsieur vient de décrire. Ça, c'est à méditer. Je sais pas. Tout le plaisir est pour moi. Ou merci, voilà. Ou merci. Et Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Magali. J'ai un peu triste parce que je reviens du MD, tu vois. Je reviens du MD, j'étais à Metz, à côté, à Sarreguemines. Du MD. Tu connais ? T'aimerais bien ? Non, la ville, ouais, la ville, mais pas l'UMD. Non, celui-là, il marche aussi, celui-là, il fonctionne. Vas-y, allez, avance. Ouais, c'est 6 mois et 1 mois, 7 mois. Il avance pas le micro, il marche pas, il fonctionne. Allô ? Hein ? Je préfère ici. Je vais trouver un logement et je vais essayer de m'en sortir. Ah bah c'est bien, bah tant mieux que t'es de retour. Si t'es content. Merci, je suis de retour depuis jeudi. Jeudi. Je crois. Tu veux mettre un micro avec un pied ? Non, ça va, ça va. Non, non, je... Non, je parle dans le micro. Julie, Magali, pardon. Florent, tu peux le raconter comment tu pensais à la radio quand tu étais hospitalisé à un moment donné ? Ben, j'ai eu une pensée pour la radio, comme ça. J'ai eu une pensée à Sarreguemines pour la radio Scopernik, si ça continuait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça m'a détruit là-bas. Pourquoi tu es tombé là-bas ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai foutu le bordel ici. Là, je ne fous plus le bordel, je respecte tout le monde, mais voilà, qu'on manque pas de respect. Sinon, je le dis au médecin. C'est un beau bordel. Sinon, je le dis au médecin. Je m'en bats les couilles, les médecins, grosses couilles. Pourquoi tu es resté si longtemps, 7 mois à Metz ? Tu pouvais pas revenir avant Ouais, je pouvais pas revenir avant parce qu'ils m'ont pas avancé ma commission. Les commissions, c'est tous les 6 mois. Et ils m'ont pas avancé ma commission, et voilà. Il y en a, ils sont partis au bout de 4-5 mois. Et moi, je suis resté un mois à les attendre. Plus 6 mois à avoir ma commission pile. Du 11 octobre 2021 au... Lui, il se fout de ma gueule, lui, je crois. Non, non, parle ici, c'est bien. Non, non, c'est parle d'autre chose. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ici, personne ne s'en fout de personne. Hein. Okay. Non, ici. On m'entend, tout le monde m'entend. Ouais. Oui, on t'entend. Ok, merci. J'ai vécu la grande galère, la souffrance au cœur. J'ai encore la souffrance au cœur. J'ai vécu la souffrance au cœur. Ça va se rétablir, t'inquiète. Ça va se rétablir tout ça, Florian. Florent, comme Florent Pagny. Florent Pagny. Voilà, Florent Pagny. C'est vraiment dit de dire souffrance carrément, au cœur, tu m'appelles Florent ouais. Pagny. Carrément, tu m'appelles Florent Pagny, c'est Dominique. Je viens de te cramer, c'est Dominique. Ah ouais, je savais pas, je parlais avec toi. C'est Ocniso, Ocniso. Ah, Dominique, Ocniso. C'est Ocniso, je m'appelle. Ocniso, pardon. Ocniso. C'est Ocniso à l'appareil. Tu fais la sorcière ? Ah ouais, non, fais pas la sorcière, s'il te plaît. S'il te plaît. Le loup, alors ? Ah ouais. Lui, il rigole pas. Dans les deux catégories, il rigole pas. Dominique, il rigole pas. Ouais, ça va. Oui, c'est le cheval. vent. La pluie. Parle au micro de Dominique. Je parle pas, je m'imite. J'ai des limites. Parle au micro un peu, Dominique. J'ai que ça, j'ai le micro ici. J'ai des micros sauvegarde. Ah ouais, puisque si on fait tous les animaux qui croient pas, c'est Florent. Vas-y, on se fait des animaux. Ruff, ruff. Ruff. J'ai un chihuahua chez moi. J'ai un chihuahua chez moi. À ma moitié. Je vais aller voir mon daron et tout va bien se passer. 112 balles de côté, puis c'est à la moitié du pavillon s'il sort. Ouais. Tout dévoilé. Et celui qui veut m'attendre, hein, je le nique sa mère la pute. Ouais, pardon, non, franchement, pardon. Non, tu m'as respecté, je te respecte, t'inquiète. Je respecte ta parole. Pardon. Merci. On est à 3 minutes de direct. Joyeux rouge. Joyeux rouge, il y a un point rouge sur le clavier de l'ordinateur, c'est Florent, là. Il y a un point rouge sur le clavier de l'ordinateur. Ah, c'est la souris. Ah, la souris, elle est au milieu, maintenant. Ah, la souris, elle est au milieu. Je vois rien du tout. Elle est dans un carré, la souris. Moi, j'ai une dent de carré cassée là-bas à Sarreguemines, à l'UMD. J'ai oublié de la mettre en dessous de mon coussin. L'infirmier Thibault, il m'a dit pourquoi tu l'as pas mis en dessous de ton coussin. Là, j'ai vécu des bons moments et des mauvais moments. C'est dans quelle région, le Sarreguemines? C'est dans le 57, à côté de Metz. À côté de Metz. Metz-Nancy, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a de... L'autoroute, là. Qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter là-bas? Il y a la ville, à ce qui paraît, Sarreguemines, mais moi, ils m'ont pas fait visiter, hein. Ils m'ont laissé enfermé dans les locaux là-bas. Oh. Ils m'ont pas fait visiter, hein. Voilà, ils m'ont pas fait visiter. Ils ont fait visiter des gens qui allaient tout le temps, c'était toujours les mêmes. Et moi, ils m'ont pas fait visiter, hein. Sarreguemines, là. Et tu travaillais là-bas? Je travaillais à l'ergo, j'ai même fait un bracelet brésilien que j'ai sur moi, avec Anne-Sophie, l'ergothérapeute. Mm-hmm. Voilà, ça fait plaisir. Un petit dédicace pour Anne-Sophie. Ça veut dire quoi, ça? Rien. C'est un mariage pour moi et elle. Non. Non, je rigole, si je la connais, je peux me parler comme ça d'elle. On est à 2 minutes, hein. Marie, c'est toi qui annonce. Bon, on va faire. Je suis un rigolo, un drôle de zozo. C'est bien, il faut. Florent, on a un ordre des jours, hein, donc quand les gens commencent à parler, tu attends ton tour, ok? Ah. Chacun respecte ici. Ok, ok. Mm-hmm. Sandra, je suis content que tu as survécu à cette époque. Merci de m'avoir laissé parler en tout cas. Merci de m'avoir laissé parler, c'est cool. Grosse dédicace à vous. Grosse dédicace à vous. Merci beaucoup. Merci Florent. De rien. Merci beaucoup. De rien. Merci. 2 minutes. 2 minutes. Attends, non, mais. Oui. Attends, je dépasse le micro. Catholique. Catholique. Oui. Tu veux comprendre ce que je dis? Oui, je comprends. Parce que j'ai été. Ma famille d'accueil était musulmane. Tu vas comprendre ce que je dis? Si tu parles, je comprends. Okay. Je comprends. Mon daron, 10 ans en prison, moi j'allais voir, là il a été transféré. Je dois faire un nouveau permis de visite avec l'assistante sociale demain matin. Mm-hmm. Voilà, on commence, voilà. On est en direct. Ouais, bonjour Radio Metanoia. Donc on a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il y a Julien, Dominique, Siol, Souleymane, Sandra, Florent, Alain, etc. Donc voilà, ils vont tous parler de plusieurs choses. Je ne sais pas qui c'est qui commence. Toi, Dominique, tu voulais parler d'un truc qui t'était arrivé, je sais pas. Ouais. J'ai voulu faire une cascade dans le métro. Au dernier métro, il y a un rebord. Quand vous fermez la porte, vous vous mettez sur le rebord et vous courez sur le quai. C'était le dernier wagon, j'ai glissé et je me suis électrocuté. Et j'ai fait une frite. Je suis tombé à quatre pattes et je me suis retrouvé sur le dos. Et j'ai le tendon du petit doigt paralysé. Un gros trou dans mon pied et le nerf, on touchait le nerf. Un gros trou dans mes fesses aussi et c'est ressorti sur la jambe droite. L'électricité. Heureusement qu'elle n'allait pas traverser mon cœur, sinon je serais mort. Ça a été dans mon cerveau, l'électricité. C'est du 400 volts, 500 volts. C'est 750 volts normalement, mais c'est diminué quand même, je pense. Il faut le compter en 400 volts, 500 volts. J'ai rescapé, c'est pas maintenant que je vais mourir, je pense, j'espère. Juste me faire réparer les dents et ça ira mieux pour mes yeux aussi. Voilà. Non. Je vais vous faire une imitation. Je vais vous demander trois façons de mourir. La première, c'est mon colonel. Je les ai tous sulfatés dans la forêt, mon colonel. Ou aouh. La troisième, c'est la bonne, plaquage au sol, fermez vos volets et tout ça. Avoir le permis avant. Mais moi, avoir annulation de permis, parce que moi, être flashé à 200 sur l'autoroute au lieu de 90. Et moi, avoir le permis, moi, avoir beaucoup de voitures, moi, t'aurais déposé partout. Voilà, Bilé. Tu es ma sœur. Vas-y, Omni. Maintenant, c'est. Merci. Merci, Florent. Même si on ne se connaît que d'aujourd'hui, t'es une personne qui restera gravée pour moi. C'est sûr. C'est sûr. Bon, moi, je vais parler au micro. Mais Doumia veut parler au micro de la vie. Ce qui m'est arrivé, depuis Essine, ça ne m'a jamais arrivé dans ma vie. Un jour, j'ai entendu la voix. La voix est rentrée dans moi. J'étais là cuisiner, à checker. Il y a un truc que les Ivoiriens aiment, qu'on appelle à checker. J'ai mis à checker au frigo, sur chauffage. J'étais là grillé. Jean de poulet, la voix est rentrée dans moi, comme c'est mon ami qui a tué ma maman. La voix est rentrée dans moi comme ça. Cette voix, ça ne m'a jamais arrivé dans la vie. C'était ma première fois de faire erreur. Je demande la justice française, ils n'ont qu'à me comprendre. Je ne suis pas un homme brutal, je ne suis pas un homme agressif. Je suis un homme digne, je suis un homme patient, je demande beaucoup de pardon. Donc, ça a pu recommencer, ça a pu revenir dans ma vie encore. Voilà. Je demande pardon à l'État français, donc à me donner ma liberté. Je suis tranquille, je prends mon soin, je prends mon traitement, je prends mon soin, je m'occupe de moi, je fais mon vaccination, je m'occupe de moi bien, je prends toujours mon traitement. Ils n'ont qu'à me faire confiance. Je les demande pardon, l'État français n'a qu'à comprendre que Doumia Souleymane souffre. Ça fait 4 ans, ça fait 2 ans, je ne parle pas avec ma femme, ma camarade, que j'ai fait 4 enfants avec elle. Je ne parle pas à eux, je ne vois pas les enfants. Je vois pas les enfants en vidéo, je ne parle pas avec elle. Ça fait 2 ans, Audi, 2 ans et 3 mois, je souffre dans mon corps. C'est la seule souffrance qui est dans mon corps. J'explique. À l'État français, ils n'ont qu'à voir mon cas, que je souffre, que je ne suis pas un homme brutal, je ne suis pas un homme agressif, je suis un homme de pardon, beaucoup de pardon, j'aime la joie, j'aime beaucoup de pardon. Ils n'ont qu'à avoir pitié de moi, ils n'ont qu'à me laisser. C'est ça la vie. Oui, c'est ça la vie pour moi. Aujourd'hui, on fait de la vie, hein. C'est ça, on est tous vivants. Sandra, vous pouvez parler, votre Suleiman et Rebdo. Oui. Laisse le micro, fais le don. Suleiman et Rebdo. Attends, attends, Florent, on va écouter Sandra. Ah, j'écoute. Allez, Sandra. La vie, c'est une rose. Et je me dis, ce qui m'est arrivé, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis là parmi vous, vous me voyez, c'est que je reviens de loin. Heureusement que je suis là. Parce que sinon, vous n'aurez pas eu le temps d'entendre ma voix. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes neveux et nièces. La seule personne que j'ai appelée quand j'étais à Jean Verdier, c'était ma grande sœur qui habite à Paris. Et je voulais juste dire que j'aime tout le monde. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je le pardonne. Ça se pourrait, lui était malade et je ne me rendais pas compte. Ou peut-être que je n'étais pas à l'écoute. Mais c'est quelque chose de grave qui est arrivé, le fait qu'il voulait me jeter du deuxième étage. C'est parce qu'il ne voulait pas que vous veniez à la radio, c'est ça ? Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Quand je veux faire des activités, il ne veut pas. Il est resté à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les policiers m'ont mis, les pompiers m'ont mis dans le camion de pompiers. Ils m'ont amené à Jean Verdier. Lui, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas. Arrivé à Jean Verdier, il voulait m'attacher les pieds et les mains. Et heureusement que j'ai appelé. Je ne sais pas. Je voulais appeler. Heureusement, j'ai pris le téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'ai dit, j'ai rendez-vous avec le docteur Serra ici à Villévrard. Ils m'ont dit, non, vous mentez. J'ai dit, non, j'ai une activité à Métanoïa. J'ai rendez-vous à 15h. Ils m'ont dit non, vous n'avez pas rendez-vous. Heureusement que j'ai appelé, j'ai eu quelqu'un à l'accueil. C'était Madame Nadine. Et je ne voulais pas lui expliquer ce qui s'est passé pour ne pas l'inquiéter. Et je lui ai expliqué que j'étais à Jean Verdier. Et ils ont envoyé une ambulance et ils m'ont ramené. Ils m'ont ramené ici. Et je suis parmi vous. Merci de venir. En fait, c'est ça, c'est votre désir de venir à la radio aussi qui vous a aidé, hein, de venir. Entre oui. Autres. Hein, ben c'était là. Magali, voilà, Florent. Magali, un petit dédicace pour Magali. Non. Ma soeur qui me connaît. Il y a une nouvelle arrivée à la radio. Votre prénom Inès. Ouais, Inès. Donc moi, j'aimerais dire que le négatif vient en positif et le positif vient en négatif. Il n'y a jamais de résolution à ça, en fait. Et j'aimerais en venir à un point pour dire que le positif, quand on est dans le positif, on est bien, on est stable. Mm-hmm. Voilà. Il y a des gens qui nous entourent, qui sont là pour... on pense qu'ils sont là pour notre bien, mais dans le fond... En fait, ils sont là pour nous enfoncer. On s'en rend pas compte, mais la vulnérabilité qu'on a au fond de nous, les gens peuvent en profiter, et ça, je déteste ça. Et moi, quand je suis faible, quand je suis vulnérable, quand je vois des gens faibles, j'essaye de remonter les points. En fait, ça veut dire que je me dis, faut les aider, faut aller de l'avant. Arrêtez de rester pied sur terre ou pied à terre, j'en sais rien. Mais stop, j'en ai marre des gens, voilà, les gens autour de nous, qui soi-disant nous disent on est là pour ton bien et au final ils sont là pour notre mal. Donc moi je dis rien, mais je suis là, je suis présente et j'assiste, je vois les gens qui sont là, peu importe comment ils sont. Donc moi je suis là, j'assiste et je les juge pas, ils sont tels qu'ils sont. Et peu importe le préjugement, en fait, au bout d'un moment, stop. On va pas dire lui, il est fou. Lui, elle est folle. Non, on n'est pas fou. On est simplement des gens qui ont envie de se libérer de ce quotidien à longueur de temps qui nous ronge à l'intérieur. T'as mal au cœur. Je te comprends, moi, j'ai mal au cœur. T'as mal au cœur. Et pourquoi ? Pourquoi t'as mal au cœur ? Je ressors de 7 mois du UMD. Je sais. J'étais en UMD. Donc justement, je voulais en venir parce qu'au bout d'un moment, ça prend la tête. Ouais, on en vient à se dire, on veut s'en sortir seul, mais non. Seul que mal accompagné. Mais les gens qui nous entourent, on est tous dans la même difficulté et moi, j'ai pas envie de laisser tomber. Ça veut dire que vous, toi, ou tel, moi, je suis là. Et j'ai pas envie de vous laisser tomber tous. Ça veut dire merci, que je vais dire gentil. Oh non, ils sont tous fous. Là, oh non, c'est des psychopathes. Là, bah non. Comprends. Non. Non, merci. Vous n'êtes pas des psychopathes. Merci. Loin de là. Vous avez juste merci. Un problème, c'est tout. Comme moi, j'ai un problème. On a tous un problème. Et voilà, au bout d'un moment, il faut le résoudre. Donc, moi je suis dans la gentillesse, voilà. Moi, je jette mes nerfs. Ça veut dire que vous êtes tous des gens bien dans le fond. Je le sens et je le sais. Merci. Mais ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est de voir. C'est de voir cette colère, cette rage, cette rancœur. Je souffre du cœur. Non, faut arrêter. Je sais que t'as du cœur. C'est ça. C'est le cœur qui compte. Voilà. J'ai fait 7 mois sans voir ma mère. J'ai vu ma mère ce midi, cet après-midi. Voilà. Justement, c'est bien ça. Ouais. C'est très, très, très bien. C'est très bien. Avant. Et moi, j'ai envie de dire stop. Ça veut dire stop les douleurs, stop. Parce qu'on est tous là, en fait. On est tous là autour d'une table. Respirer. Et on se demande pourquoi on est là. Mais pourquoi, au juste. Bah, on pour ça, on est là. Rétablir. Merci. Mais vous allez tous vous rétablir comme moi. Je suis là pour... Pourquoi je viens ? On va dire... Les gens me disent... Excusez-moi. Les gens me disent... Parce que moi, quand je suis venue ici, les gens de mon entourage m'ont dit « Non, il n'y a que des fous. Ne va pas là-bas, sinon t'es une folle. » J'ai dit quoi ? J'ai dit « Non, j'y vais. » Et aujourd'hui, je suis là. On va me prendre pour une folle, je suis pas folle. Simplement, j'ai eu des petits soucis, des problèmes d'alcool ou de cigarettes ou peu importe dans la vie. On a tous des problèmes. Mais au bout d'un moment, il faut les résoudre. Et stop, c'est tout. Oui, stop. Et on va aussi faire un peu de la musique, non ? Parce que là, on est très très bien. Merci Inès. Merci Inès et Florent. Un petit message pour Magali qui est en train de dessiner. On va, et Sandra, on est content qu'on est tous là à la radio comme tous les mercredis. Et là, on va passer la parole à Siol qui va nous présenter son nouveau projet. Hein, parce que, comme on dit, on n'est pas que de fous, on est aussi des artistes. Et, oui, et bien là, la terrasse, vous pouvez sortir à fumer si vous voulez, tranquillement, sans faire trop de bruit. Hein. Et Siol, je te passe la parole. Merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Siol. J'ai fait pas mal de projets. Et celui-ci, auparavant, c'était des projets plus positifs et plus dans la paix et la joie et dans le rayonnement. Et aujourd'hui, je vous présente un projet qui est plus dans la négativité, car j'ai dû affronter mes propres démons et la partie négative qui est en moi. Et je l'ai extériorisé avec la partie musicale. Voilà. Donc je vous mets ça tout de suite. Voilà, donc le nouveau projet de Siol qui s'appelle comment déjà ton nouveau projet ? Ce projet-là s'appelle. Attendez, parce que je l'ai écrit en anglais, mais en français je vais vous le traduire. Attendez, je charge mon téléphone. Oui, vas-y, prends ton temps. Hop. Pas que Siol, son nouveau projet, porte un autre nom. C'est gentil. Mais il fait la musique en permanence, voilà. Il compose une chanson par jour. La musique s'appelle « Nous sommes les mêmes personnes, mais avec un autre état d'esprit ouais. ». En fait, ça parle de moi, de mon côté, de mes deux côtés en fait, le côté négatif et positif. Ouais, oui, on a besoin de l'ombre pour la lumière. C'est ça, l'équilibre, trouver l'équilibre. Oui, ou la différence. Vas-y, c'est ça. On coupe ça. Radio Metanoia. Du coup, on n'est pas si différent que ça. C'est juste une partie de moi que j'essaie d'éviter, mais que je ne peux pas éviter parce que c'est moi. Ouais, il faut que tu connectes la radio, d'accord ? Voilà. Donc, on fait un peu de pause musique. Comment s'appelle ton projet ? Tu as dit les noms ? J'ai oublié les noms. We are the same person, but with another mind, people sensible. Thank you. Oh, oh, oh. Non, deuxième chanson de Against Me, Biposensible. Deuxième morceau. Waouh, quel voyage là. Ouais, tu l'as super bien. Mais bravo, hein. C'est incroyable. Ouais, c'est le nouveau projet de Siol. C'est le nouveau projet de Siol qui s'appelle Bip. Attends, tu vas parler un peu parce que... Mon papa. Mon papa. C'est le projet... Attends, oui, on va mettre un peu de musique, mais déjà, on va entendre un peu ce qu'il dit sur sa musique là, incroyable. Vas-y. Alors, les deux musiques que je viens de passer, c'est deux musiques qui sont dans le projet de mon nouveau pseudonyme Biposensible. C'est un projet qui parle de la négativité qu'il y a en moi et que j'extériorise à travers la musique. Et cet album, en fait, contient que de la négativité. Et du coup, les deux musiques que j'ai passées, c'est... En premier, c'était la dernière musique, donc c'était celle que j'ai faite dernièrement, mais c'est pas encore la fin. Et la deuxième musique qui est passée, c'était l'introduction. Voilà, donc ça reste une atmosphère assez négatif. Et merci d'avoir écouté et que de la paix sur vous. Merci. Merci Siol. Attends, on va passer le micro à Paul qui parle dehors là. Mais Paul, viens. Dire la même chose que tu dis, mais tu le dis au micro. Il faut juste que tu t'approches un peu parce que j'arrive pas à... Quand j'étais allé... Tu l'as branché ? Oui, c'est branché. Comment tu t'appelles ? Mariella. Ah ? Mariella. Alors attends, faut que tu... Parle au micro. Vas-y. Quand j'étais à l'école des keufs, je pensais pas aux meufs. Et là, je suis avec Mariella qui est là et Inès, une super gonzesse. Ah ouais. Mais là, ouais, super. Ça rime à fond, mais là, tu disais des choses aussi dehors intéressantes de tes pensées. Ok, tu viens quand tu veux. Sinon, je t'amène un micro dehors. Ouais. Bon, Inès, tu veux nous raconter Florent voulait nous dire quelque chose. Bon, viens. Allô. Ouais, c'est Florent. Ben, je reviens. J'étais en train de fumer une clope. Et voilà, j'ai un peu oublié l'ambiance, mais je suis bien là. Merci à tous ceux qui ont rentré. Alain. Alain, ben, je le connais. Ça va, Florent ? Voilà, ça va, Alain ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça se passe. Tranquille. Je reviens de 7 mois du MD, voilà. Ouais, hardcore, hein. T'étais ouais. À l'isolement et tout, tu pouvais pas voir du monde et tout ? Je prenais pas quoi ? Tu pouvais pas voir du monde ? Je pouvais pas voir de monde et j'étais à l'isolement un peu. C'était plutôt strict. Ouais, tu m'étonnes. C'est plutôt bien. Ouais, c'est chaud l'UMD. Hein. Je suis pas allé, mais tu sais, c'est hardcore. Vous connaissez l'UMD, madame la médecin ? Vous connaissez l'UMD, madame la médecine ? UMD, unité pour malades difficiles. Ah ouais, je ne connais pas ces unités. C'est grande psychiatrie fermée. Ah ouais ? C'est pas comme ici. Hein. D'accord. C'est grande prison. Après, je vais donner l'adresse. Je vais chercher pour connaître. Unité de malades difficiles, la gente qui a beaucoup de problèmes, la gente qui a des pégats. À tout le monde. Voilà, parlez dans votre temps. D'accord. Comment ? On était à peu près une équipe de 18 jeunes du MD. Que des garçons ou filles garçons ? Bonjour Monsieur Héro. Bonjour, ça va ? Ouais, que des garçons. Ouais. Désolé, au lieu de m'envoyer un UMD. Mais bon, ça c'est un petit message pour Monsieur Héro, mais c'est pas grave. Ouais, c'est fini. T'as le mini jack pour brancher mon portable. C'est fini, ouais. Merci. Merci, hein, de... Alors, c'est Florent, merci de m'avoir laissé la parole. Hein. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté et merci beaucoup à la médecine. La médecine, je vous appelle comme ça, la doctoresse. Merci beaucoup à la doctoresse, merci beaucoup à Magali, merci beaucoup à ma sœur en bleu. Merci. Merci d'avoir reçu mon... réceptionné mon... ma mission. Merci. Merci. Et... Je ne sais pas si je peux chanter. Oui, après Alain, c'est toi. Pour chanter pour... une chanson, enfin une chanson forte. Ouais. Mais je sais pas, je sais plus c'est laquelle. Tu essayes de me souvenir. Tu attends Alain ? Je l'ai dans la tête. Ouais, mais regarde là parce qu'il y a Alain qui va. Alors, papa. Ah, c'est bon, ça marche. Je vous présente ce morceau. Le début est en français, la fin est en anglais. Ce texte, je l'avais écrit pour une certaine dame qui est à la présence de celle qui est en notre présence. Et voilà le morceau. Il est 17h27. Pour écouter. Bonjour, c'est B.O.S.K, je suis le cas, mais je suis sympa. Avec les larmes à l'eau de la croix de chavo, je suis trop de pédo. Je freestyle à la clinique, je taille pas, y'a pas de pitch. Les chroniques de la vie d'Aloca, qui est pas de l'amour, c'est pas de la branlette. Mais si tu dévisses la molette, ça peut rendre sourd. La souffrance, y'a pas que ça. En transe, pieds nus sur du verre, jette-toi dans le canal en hiver pour voir s'il y a du courant. Les pompiers rappliquent. Barre-toi en courant si tu veux pas finir à la clinique. Quand même, si t'y atterris, c'est pas la fin du monde. C'est pas si dur, c'est pas si terrible. Ça reste quatre murs, mais c'est pas la calanche, c'est pas quatre planches. Masque sur la tête, un drame dans la fête. Paname est une guerre, y'a du RG dans l'air. Un café, un banc, un stick. J'observe le peuple et son cirque. Les pirates au fond de la crique n'en ratent pas une, leur politique. Les élus flippent, paniquent, mangeront des prunes, pas de celles qui se décortiquent, ni de celles qui se critiquent. Si la raison faisait loi, il se tiendrait quoi, et la saison serait de bonne aloi. Des cratères de mensonges que tu crois, ils luttent pour toi que tu crois. Ces flûtes battent pour savoir qui sera le roi. Tartuffe dépassé en mesquinerie, Molière leur ferait bouffer du lierre, eux et leur collerie. Monumental, en spécimen d'effort, Macron serait... phénoménal. Mentally and sexual, can't forget how I met you. Now every time I look at you, I see the most wonderful woman I ever met. When you gotta do what you gotta do to get by, to see it through, birds fly, make this one not fly away. To catch it, use no glue. Stars shine when the sun is away. This one is brighter than a moon, blinded by the light, by the offering of a beautiful sight. The sound of music and the melody of it make me think. Had I a filter, I'd use it. Make the sour days disappear. I saw it in a flash right here. Fully expecting to be turned down, still let me ask you out, or else it'll be my meltdown. Ouais, mais je suis très émotionné en écoutant ça, moi. Alors, le son, c'est le premier son, c'était une présentation, un espèce d'ego trip à l'envers de moi-même. Ensuite, le deuxième texte, c'était un texte un peu énervé parce qu'on nous a forcé à mettre des masques, parce qu'on ne pouvait plus aller au resto, parce qu'on est resté bloqué chez nous pendant 6 mois pour un putain de rhume, il nous casse les couilles. Et voilà. Monsieur, et ça monsieur, monsieur pourquoi ne pas vous faire confiance là-bas? Ne pas faire confiance à qui? Non, là-bas, vous dites. Pas faire confiance au gouvernement? Okay. Au laboratoire pharmaceutique? Ok, ok. Non, moi, je fais pas confiance. Okay. Hors de question. Moi, je suis pas vacciné. Hein. Moi aussi, il ne faut pas que je fasse confiance. Je me suis beaucoup fait engrainer. On a parlé avec ma copine, ma sœur Inès. Inès, vas-y, tu prends la parole. Merci. Mais je peux jouer. Vas-y, je cherche. Inès, une grosse dédicace pour Inès. Une musique que je connais, mais envoûtante. Ça veut dire qu'il me tient à cœur. Suleiman, ça va? C'est bon. Je pense que je l'ai. C'est bon. Il est 17h31. Tu commences? Le souffle d'Ino qui chante, une odeur de menthe, la douceur des pleurs se lente, et mon dernier attard. Et si de loin un mystère que rien ne peut défaire, qui me rappelle qu'ici-bas, il ne manquait que toi, pour que le combat ne se livre pas, je prends les larmes, toutes celles qu'on ne choisit pas, je te donne mon âme. Si tu ne la prends pas, à force de se souvenir dans un miroir de souvenirs, j'en oublie que mon avenir est presque là. Il ne manquait que toi pour que le combat ne se livre pas. Je prends les larmes, toutes celles qu'on ne choisit pas. Je te donne mon âme, si tu ne la prends pas. Oui. Inès, c'est extraordinaire. Tu improvisais comme ça. C'était super. C'est bien. C'est Ognisso qui parle. Wow. C'était super. C'est excellent ce que tu chantes là. Ça, c'est la surprise tout le jour. Radio Métanoïa n'arrête pas. Moi, j'ai pas d'avenir dans la forêt, mon colonel. J'ai pas d'avenir, mon colonel, dans la forêt, moi. Bon. Et on va... donner la parole à Vincent. Vincent, tu viens ? Vincent aussi va nous montrer un peu... Attends, mais il y a un truc qui n'est rip. Voilà. Vincent, est-ce que tu peux nous parler de ton projet ? Ouais. Bah voilà, en fait... Je suis un artiste de rap français depuis 25 ans là. Ouais, depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que je rappe en fait. Et en fait, je voulais pas percer en fait. Consciemment, je voulais pas percer. J'ai tout fait pour pas percer en fait. Et là, maintenant que j'ai 44 ans, là, je me dis c'est le moment de me lancer. J'ai un manager, j'ai un producteur. Et puis les sons, ils sont bien. Voilà. On attend la musique là. Ça marche pas. Attends. On a pas très bonne connexion internet là, désolé. Sinon, tu peux la mettre dans le téléphone d'Alain. J'ai pas de connexion, mon colonel, dans la forêt. Attends, Florent. Oui, et après, on aura un peu de la flûte traversière de Mariella qui va nous jouer un peu là. Tu vas chercher. Pendant que Vincent nous cherche son morceau de rap, il ne faut pas oublier que tu n'as pas amené tes dessins, Vincent. Oh, la semaine dernière, il a amené tous ses dessins. J'en ai vendu 9. Il a vendu 9 dessins. J'ai 5 commandes encore. Voilà. J'ai 5 commandes, 3 commandes. Là, ça marche, il paraît. Rien. Activez les sons. Action, je démonte. Kilo à pic, on pile, on pique, on max. C'est comme pico, comme personne. Je rappe comme personne. Des bébés, on max, en personne. Le téléphone sonne et je dépose pas. Mais t'as fait tout faire, tout pour nous oublier. On nous déferme, on fait putain de quartier. Putain, je fais pas de quartier. On a fait tout ça, on max, il y a d'autres critiques. C'est du rap conscient. J'ai pris conscience d'un certain manque d'habilité. Manque de stabilité. C'est des bébés, on max, on dira pas de talent. C'est le écran. C'est le écran et je rappe d'ailleurs le trou, mon trou. Putain, avec mon fils en plein trou, j'avance, en avant, dans la voiture. Les toits sur moi et j'avance dans le truc avec mon pote qui j'allie. On prend mon frère combat, ton mal qu'on. Oh putain, merde, ton mal qu'on finance. Je suis avec mes frères. À ce moment-là, c'était pas pro, mais ça, c'était il y a 14 ans. C'était pas pro en fait. Ouais. Bon, c'est super, Vincent. C'est ta préhistoire. Ouais, c'est ma préhistoire. Ouais. Tu veux montrer autre chose ou ouais, après? Ouais, mais une instru. Vas-y, parle. Ouais. Tu peux improviser là en direct si tu veux. Ouais. VB au mic, fils. 9-3. Là, quand j'improvise, c'est pro là. Tu mets une instru. Instru. Tu as un instru, sinon j'ai l'ordi de téléphone. Alain, il a des instrus. Sandra, tu voulais parler quelque chose pour l'instant? Quelqu'un prend le micro. Ah, vous, bonjour, monsieur. Moi, je voulais juste dire bonjour à tout le monde. Voilà. Ouais, votre prénom, j'ai oublié. Vous vous rappelez pas de moi? J'étais venu, Vincent. Oui, je me rappelle vous, mais les prénoms, là, il a le Vincent, dernier, là, comme bon. Monsieur. Vincent. Voilà. Vincent Purple Vincent. Voilà, j'avais parlé de géographie la dernière fois. Je me rappelle maintenant, tout à fait. Voilà. Ouais, bienvenue Vincent. Merci. Donc, si tu veux parler aussi d'autre chose aujourd'hui, on a encore du temps. Donc, il est 17h38, Radio Métanoïa. On n'a pas épuisé, mais là, on va voir Black Coast. C'est quoi ton nom aujourd'hui d'artiste, Vincent? Vincent Black. Bon, tu mets l'instru, n'importe laquelle. Et n'importe laquelle. Attends, Alain, c'est le bon là pour la musique n'importe laquelle. Moi, je suis trop là dans l'expérimental là. Tu veux quoi quel genre de rap? Quel genre d'instru tu veux? Quel genre de groupe? Mes rap instru. Une instru, vas-y, n'importe laquelle. Rap instru. Rap instru. Old school ou new school? Old school. Mais n'importe laquelle. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans mon 9-3, ça sent la douille, ma couille. J'arrive en sous-marin, dans un, comme à Sumatra. Et je place tout au Mike Fist 9-340, où tout le monde me écho. Je pars en 7 dessus. Dans ce monde bizarroïde. Et les gens me clashent comme si j'étais connu, seulement c'est dans mon imagination. Comme si on me connaissait dans d'autres pays, comme dans Popeye. Le pays est beau, mais tout part en sept dessus, dans mon entourage. Ouais, ouais, instrumental, YouTube, 9-340, commentaires. Comment faire taire pour faire taire ces gars? On peut pas faire tout à la fois. Ma foi, tout le monde est derrière moi, j'espère que je pourrai en faire croquer plus d'un. Mon stylo, stylo à bic, comme Bico. Ça parle de leader, de leadership, c'est faux. À défaut d'être bien dans mon entourage, je sais combien sont faux. À défaut d'être vrai, j'essaie d'être vrai. Dans ce monde bizarroïde, ouais, ouais, ouais, pas sans blague. Oh là là, mention petite instru sympa des années 90, je te dis pour poser là-dessus, faut soit avoir pas du tout de vie, sans avoir beaucoup. Moi dans ma vie j'ai pris des coups, mais je suis chiltran, je suis jamais en se tran, je suis jamais en se tran, je suis tranquille, même si je me fonce dès la gueule avec du shit dès le réveil. Mec la veille, j'ai fait la veille, et aujourd'hui c'est le réveil. Ouais c'est Bolo qui se pose sur un petit tempo tranquille old school. Et mec je me pose à la cool, mets de l'huile si tu veux que ça glisse. Je t'ai dit ici t'es au bord du précipice et c'est tranquille. Mais tu peux te faire vata par un mec qui est monté de Lyon, qui est de là-bas, qui croit que dans son punch il a beaucoup d'attaques. C'est pour ça qu'il veut le test sur des gamins de 14 ans qu'on fume un joie, on bat de leur immeuble. Pour les riches t'es qu'un bien meuble, comme une vache à hublot, auquel on mélange le lait à l'intérieur de son ventre. Et si tu crois que je te dis des conneries, bah tout de suite à la quérie je m'éventre. Ouais c'est Bolo qui s'épose sur un petit tempo, qu'il trempe. Des petits trains, il en a pris plus d'un. Et des petits trains, il en a vu plus d'un. Dédicace à O'Clock que j'ai vu à New York. Ouais, c'est tranquille. Ouais, ouais. Bolo sur la track qui fait une petite impro. Et qui a pas terminé, qui avance en scred sur ce terrain miné. Un petit ouinge dans la poche. La dernière fois, je me suis fait de l'élé par des condés entiers qui avaient l'air de s'amuser. V'là les tarbas, ben ils m'ont quand même blessé. Mon petit joint, ils croyaient que je revenais du four. Mais que si j'y revenais du four, je l'aurais joué un peu plus scred. Alors me la contrôler, moi je trouve ça un peu raide. Tu vois ce que je leur ai dit, c'est Bolo qui s'est beau. Et qu'il n'y en a rien à trop fou, même si des fois on a dit que c'était un fou. Et il est kiltran, il improvise et il dédicace à Babaz et Elec qui écoute peut-être Roby. Et Mataron aussi, ouais, love you baby. Là je dis de la merde. Starfula, ouais, c'est Bolo qui dit de la merde au micro, comme d'hab. Allez, à plus les gars, sinon ça va durer une heure et vous allez tous terminer en pleurs de ma fragilité imbécile ou de ma vulnérabilité facile. Et comme ça, je me pose tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Bolo et c'est reparti ou c'est fini sur le micro. Et quand c'est nif, il faut savoir s'arrêter. Alors mesdemoiselles, à plus. Ouais. Ça reprend. Mon colonel. Je l'ai pas vu dans la semaine. Vincent, 3000 Vincent, dans un champ. Vas-y, Vincent, tu voulais. On y va. Ouais. Tranquille. Ouais. Je vais vous faire, avant j'étais odieux, maintenant je suis aux cieux. Hein? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il va pas nous jouer un coup d'accordéon celui-là. Mais si. Miaou! Miaou! Ouf! Miaou! Miaou! Ouf! Allô! J'ai pas de musique à l'intérieur, moi je suis. Je sais pas ce qu'il en pense, Dominique, mais bon. Bah, il pense pas. Tu t'en penses des sous que je dois récupérer? Je sais pas. Non, mais j'en ai besoin, faut que je les récupère. Moi, je les ai pas, moi. Non, je sais. Je t'ai laissé dans la forêt, mon colonel, à côté d'un arbre. Arrête, on va pas me la faire, je sais où ils sont. Tout est à bon Dieu. Ouais. Magali. Viens dans la forêt avec moi, Paul. Ah, si mon daron il décède, hein. Mais non. Je prendrai des avocats, je me laisserai pas faire, hein, je sais ce qu'il y a à moi. Ouais. Qu'on me le donne, sinon ça va mal se passer. Miaou. Ouais. Dominique, waf, j'ai un chihuahua. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais pas dit tout à l'heure? Ressors tout ce que t'as. Ouais. Mais la musique? J'ai pas de haine, c'est ça le problème. Du courage, ouais, de la volonté, j'en ai, mais. C'est ma chave, hein. Ouais. Les gars détestent le gouvernement et ces méfaits cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, la ville entière, ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, ces peuples absurdes, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge, ça gêne certains pendant que deux s'en battent terrain. Ça change rien à notre train quotidien. Leur indifférence agace, et que veux-tu y faire? Sinon réussir à quitter le terre-terre pour évoluer. Arriver à là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase, la protéger aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose que le 9-3. Car ici c'est pas Watts mais ça craint. Les petits embrouillent avec grand, les grands deals et partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société d'écran aux îles Caïmans. Cela part content. Et l'élite paie la juste pour la justice soit clémente à son égard. Vu de l'extérieur, ça choque, ça égare. Et personne comme ça, deux ans tôle comme ça, à faire sous le trou, à marcher un couloir à Yep. Pendant que les riches roulent en 4x4, en 2x4x6, on se dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur, comme les politiciens pour être élus. Plus personne n'y croit depuis des lustres. Les événements l'illustrent. On parle peu l'essentiel et beaucoup passe à côté de la vie. Sans autre alternative, c'est fait exprès. Ils tombent dans l'engrenage du filet. Comme ces gosses qui marchent sur une bombe. Les radars sont, les armées se déploient. Les soldats tombent dans une embuscade. Les choses sont trop complexes pour qu'on pige, qu'on s'alarme. Chérie du drapeau blanc, elle tombe en continu sans répit. Et les flics tirent sur des cèdres humaines. On nous malmène et beaucoup ratent. C'est désespère qu'être un échec de ces hommes. Mais la foi qui a l'espoir et c'est fort. Mais un qui avance pour l'instant. Alors je me lève la nuit, je prie. Et je me demande pourquoi Adam et Ève ont mangé ce putain de fruit. Wow, quelle créativité, quelle spontanéité. Alors on va essayer de parler tout en... Avec Florent, est-ce que tu arrives à rapper? Tu peux dire en hip-hop, c'est ce que tu arrives? Allez, vas-y, rap. Bah moi, écoutez-moi, c'est Florent Tweed. Et il m'est arrivé, ce qui m'est arrivé, à 15 ans, j'ai basculé dans le trafic de stup. Il y avait encore mon père à la maison, moi, à cette époque-là. Et voilà, fumer, ça me rappelle des souvenirs et tout. Ça me fait du bien, et voilà. Je suis pas agressif, je suis pas méchant. Je suis juste... juste Florence, c'est tout. C'était pour la médecine aussi. Oui, je et en parlant de médecine, il y a notre interne en psychiatrie, Marie-La, qui va nous faire un morceau de musique. Un morceau de flûte traversière. Il va nous soigner avec le son. Ah, parce que quand on ne parle pas la langue, on peut soigner avec la musique. Quoi. Voilà. La musique, c'est le langage universel parce qu'il n'y a pas de traduction, mon colonel. Tu veux que je te fasse de du bruit, moi? Ouais. Ah. Oui, ça, c'est notre bruiteur, Ockney. Le... Ouf. Juste une introduction pour Marie-La. Oui, merci Marie-La. Voilà, ça c'était pour tout le monde. Sandra, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Sandra. Oui. C'est moi, pardon. Sandra, allez-y. Qu'est-ce que vous sentez mieux maintenant? Ça va ou pas? Ou ça va pas? Ça va, l'émotion est redescendue un peu. Ouais, ça va mieux là. Et ça va. Moi aussi, c'est Florent. Moi aussi, ça m'a fait ressentir mieux. Tout à fait. De flûte. La flûte m'a beaucoup... La flûte, pardon. Tout à fait. J'en faisais quand j'étais en sixième et je faisais de la flûte normale, mais ça, c'est une flûte spéciale. C'est très compétent, il faut, être très intelligent pour faire ça. La flûte traversière. Il faut mettre des paroles de chansons avec et ça serait bien. La voix, surtout. Ouais, on va faire un groupe de musique, là, tout le monde va chanter. J'avais oublié de complimenter. Avec la flûte, Sandra, et des paroles. Merci de m'avoir fait penser. Avec la flûte, si, je sais pas. On peut essayer. On m'entend? Est-ce que je peux juste te dire quelque chose? Excusez-moi. Quelque chose qui me passe par là. Non. C'est juste pour réagir par rapport à la musique que tu nous as faite aujourd'hui. Déjà, celle de la dernière fois, je t'avais dit qu'elle m'avait fait des frissons. Avec ta voix, c'était vraiment incroyable. J'avais vraiment, vraiment aimé ta création. Et là, la flûte traversière, magnifique. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton énergie et ta positivité que tu nous ramènes. C'est super. Merci. Bon, maintenant on fait un sol. Oui, c'est très très bien. On va écouter. On a encore 5 minutes de Radio Métanoïa. Inès, après tu peux faire un truc pour Paul, mais d'abord. Oui, ben Sandra et Mariella, allez-y. 1, 2, 3, tous les deux. Improvisation, flûte traversière et voix. Il faut quelqu'un qui mette un micro à côté de Mariella. Pardon? Quelque chose, il y a eu que musique. On peut refaire la même tout à l'heure et je mets des paroles. Oui, on met des paroles. On va écraser. On entend le souffle du vent qui pue, la pluie qui prend son envol. On entend le soleil qui est bleu, qui est dans le ciel. Ne pleure pas, cher enfant. La vie, c'est comme une source qui brille dans toutes les lumières. On entend la vie qui pleure en toi. N'aie pas peur, la vie est en toi. Oublions la nuit et les étoiles qui brillent pour le ciel et la planète et les gens. Entends la voix du cœur de chacun et dis-toi que rien n'est impossible. C'est bien. Il marche pas, si. Bon, ça va être fini. Bientôt, j'ai mon jingle qui va. Arriva, grosso minuto, si, je suis la souris la plus rapide de Mexico. Et moi, je voulais vous mettre un son qui date un peu, mais qui est un son studio, qui est un son fini, propre et tout ça, pour pas que vous croyez que j'ai fait que des trucs à l'arrache. Voilà. Je vous la mets. C'est moi qui ai choisi le sample. C'est c'est samplé de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli d'une chanson qui s'appelle Tears. C'est pas moi qui ai fait l'instru, mais c'est moi qui ai choisi le sample. Parce que cette chanson, elle me tire des larmes à chaque fois. Et j'ai écrit un petit texte dessus. Ouais. Si tu pouvais faire silence quand il y avait le son, ça serait cool. Ouais, j'ai rappé moi-même dessus. Merci. Vas-y, à toutes. Ça c'est Dusk. Radio Métanoïa. Je regarde la route qui mène au Zion. C'est loin. Et je prends garde à la garde des Iron Lion. J'aime les textes peaufinés et finis. Et le sexe infiné, infini. J'aime le son quand il est pareil. Et je déraille dessus autant que je traîne. Des histoires noires, j'en connais, je te les dirai pas toutes. Car elles me rebutent, me livrent aux doutes. Des émotions filent et la motion passe dans un battement de cils. Qui cède à l'abattement, y'a qu'à voir mon appartement, ma chambre. Je sais déjà, tu chambres. Mais mon flot d'argile coule facile et résonne ma voix d'ambre. Je m'en fous, la rue, le taf, tous des loups. On se fera bouffer tous, voile passera qui tous. C'est l'ange qui pousse, la mort viendra. Après s'être fait bouffer par les loups, on se fera bouffer par les rats. Puis par les vers, on nourrira le zoo. Je te l'attends de pied ferme, je ferai pas de vieux zoo à la ferme. La ferme. Je veux une femme de gosse, à personne faire de boss. Que ma caisse soit grosse, mais abs, je bosse. Plutôt je fume pour m'en mettre dans la caboche. Quand j'étais mioche, je savais pas que ça allait être si moche. Après plusieurs séjours de l'autre côté, toute envie d'espérer, on m'a ôté. D'une bonne endurance, je suis doté. Mais j'ai jamais été très coté. Alors j'attends le temps de me ranger sur le bas côté et tranquillement trépasser. J'aimerais entrevoir l'espoir, mais j'ai peur que ma poire soit ni à la fête ni à la foire. Alors j'empoigne le mic et je colle comme à la foire. J'empoigne ni con ni conne. Dans mes textes, j'insulte personne. Juste sur une petite zig, je me donne comme ça gratuit. Et si ça te plaît pas, tant pis. J'irai vendre des tapis au marché noir droit. Je marche droit, loin d'être le roi. Ni de toi, ni de moi, ni de mes faits et gestes. Des fois, je danse face à la geste avec la féminine jante. Puis par le trône, je prends la tangente. Ce faisant, mes créants, je chante. T'as pigé, j'ai ni caisse, donc ni jante. Salive une de salve et sur le flot des autres je pars dans la rue. Je suis perdu comme mon rap, tordu comme un tram. J'ai jamais ce qui se trappe dans le trom ou dans le tram. Bref, je rappe, chef, je suis cartable. J'aime tes seufs et tes ins. Quant à le dire, je suis pas une pince. Au pire, le ciné, le resto, le verre, je rince. Mais le plus souvent, celle pour qui j'en pince ne voit pas en moi leur prince. Alors je chante ma peine de ma vie la haine. Je suis pas faux cul, mais faux. Cool, sers-moi une bière sans faux col. Un sky juste après, j'ai besoin d'alcool. Qu'est-ce t'en dis? Moi je crois que c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Moi je crois que c'est pas cool. Waouh, waouh, waouh, waouh, c'était Dask, merci beaucoup. Ouais, merci à tous, c'est fini. À mercredi prochain, Radio Metanoia. On vous aime. Paix dans le monde.